toujours bien accordé. Je viens de le servir, je suis sur le périph', OD. Ce commis vient m'aborder. Tu connais lui, lui, lui, ok. Gros BDH. Je sais que tu sais. J'achète une calage. Je n'ai pas de grand plus de j'en promets. Je ne marche plus, j'accélère. Il est fidèle, il peut promet. Tu brimes tes portes, ouais, ouais. Attends, peut y aller pour qui me colle. Je roule dans la vie, je passe à Carla Paul. T'es même pas bonne, tous demander des lots grosses folles. Mais le fait, t'es fait très, tu gagnes faire sur plein de choses. La daronne, le bénéf, ta femme et ton marmot. César, je suis pas bien sûr, moi j'ai mon feu. Un million d'ennemis, je suis refait. Ce soir, je suis pas bien, j'ai mon feu. Un million d'ennemis, je suis refait. Ce soir, je suis pas bien, j'ai mon feu. Y'a de l'amour, la, tu connais le but.